Chapitre 17e, la Bastille. La foule l'attendait, brûlée par le soleil ardent de juillet, frémissante, enivrée. Les hommes de Gonchon venaient de faire leur jonction aux hommes de Marat. Le faubourg Saint-Antoine reconnaissait et saluait son frère le faubourg Saint-Marceau. Gonchon était à la tête de ses patriotes. Quant à Marat, il avait disparu. L'aspect de la place était terrible. À la vue de Billot, les cris redoublèrent. « Eh bien ?» dit Gonchon en marchant à lui. « Eh bien, cet homme est brave, » dit Billot. « Que voulez-vous dire par ce mot, cet homme est brave ?» demanda Gonchon. « Je veux dire qu'il s'entête. Il ne veut pas rendre la Bastille, non. Il s'entête à soutenir le siège, oui. Et vous croyez qu'il le soutiendra longtemps, jusqu'à la mort ? Soit, il aura la mort. « Mais que d'hommes nous allons faire tuer ?» dit Billot, doutant sans doute que Dieu lui ait donné le droit que s'arrogent les généraux, les rois, les empereurs. Ces hommes brevetés pour répandre le sang. « Bon, dit Gonchon, il y a trop de monde, puisqu'il n'y a pas assez de pain pour la moitié de la population. « N'est-ce pas, ami ? » continua Gonchon en se tournant vers la foule. « Oui, oui !» crie la foule avec une abnégation sublime. « Mais le fossé ? » demanda Billot. « Il n'a besoin d'être comblé qu'à un seul endroit, » répondit Gonchon, « et j'ai calculé qu'avec la moitié de nos corps, on comblerait le fossé tout entier. « N'est-ce pas, ami ? » ?»« Oui, oui !» répéta la foule avec non moins d'élan que la première fois. « Eh bien, soit !» dit Billot, atterré. En ce moment, Delaunay parut sur une terrasse, suivi du major de l'homme et de deux ou trois officiers. « Commence !» cria Gonchon au gouverneur. Celui-ci lui tourna le dos sans répondre. Gonchon, qui peut-être supportait la menace, ne supporta pas le dédain. Il porta vivement la carabine à son épaule, et un homme de la suite du gouverneur tomba. 100 coups, 1000 coups de fusil partirent à la fois, comme s'ils n'eussent attendu que ce signal, et marbrèrent de blanc les tours grises de la Bastille. Un silence de quelques secondes succéda à ces décharges, comme si la foule elle-même eût été effrayée de ce qu'elle venait de faire. Puis un jet de flamme perdu dans un nuage de fumée couronna la crête d'une tour. Une détonation retentit, des cris de douleur se firent entendre dans la foule pressée. Le premier coup de canon venait d'être tiré de la Bastille, le premier sang était répandu, la bataille était engagée. Ce qu'éprouva cette foule, un instant auparavant si menaçante, ressembla à de la terreur. Cette Bastille, en se mettant en défense par ce seul fait, apparaissait dans sa formidable expugnabilité. Le peuple avait sans doute espéré que dans ce temps de concession à lui faite, celle-là aussi s'accomplirait sans effusion de sang. Le peuple se trompait. Ce coup de canon tiré sur lui donnait la mesure de l'œuvre titanique qu'il avait entreprise. Une mousqueterie bien dirigée venant de la plateforme de la Bastille le suivit immédiatement. Puis un nouveau silence se fit, interrompu par quelques cris, quelques gémissements, quelques plaintes poussées ça et là. Alors on put voir un grand frémissement dans cette foule. C'était le peuple qui ramassait ses morts et ses blessés. Mais le peuple ne songea point à fuir, ou s'il y songea, il eut honte en se comptant. En effet, les boulevards, la rue Saint-Antoine, le faubourg Saint-Antoine, n'étaient qu'une seule mer humaine. Chaque vague avait une tête, chaque tête deux yeux flamboyants, une bouche menaçante. En un instant, toutes les fenêtres du quartier furent garnies de tirailleurs, même celles qui se trouvaient hors de portée. S'il paraissait aux terrasses ou dans les embrasures un invalide ou un petit suisse, il était ajusté par 100 fusils et la grêle de balles venait écorner les angles de la pierre derrière laquelle s'abritait le soldat. Mais on se lasse bientôt de tirer sur des murs insensibles. C'était à de la chair que visaient les coups. C'était du sang qu'on voulait voir jaillir sous le plomb et non de la poussière. Chacun donnait son avis au milieu de la foule et des clameurs. On faisait cercle autour de l'orateur et quand on s'apercevait que la proposition était insensée, on s'éloignait. À Charon proposait de bâtir une catapulte sur le modèle des anciennes machines romaines et de battre en brèche la Bastille. Les pompiers proposaient d'éteindre avec leurs pompes les amorces des canons et les mèches des artilleurs, sans s'apercevoir que la plus forte de leurs pompes ne lancerait pas l'eau aux 2/3 de la hauteur des murs de la Bastille. Un brasseur qui commandait le faubourg Saint-Antoine, et dont le nom a acquis depuis une fatale célébrité, proposait d'incendier la forteresse en y lançant de l'huile de yette et d'aspic qu'on avait saisi la veille et qu'on enflammerait avec du phosphore. Billot écouta l'une après l'autre toutes ces propositions. À la dernière, il saisit une hache aux mains d'un charpentier et s'avançant au milieu d'une grêle de balles qui frappait renverse autour de lui les hommes pressés comme les épis dans un champ de blé. Il atteignit un petit corps de garde voisin d'un premier pont-levis, et au milieu de la mitraille qui siffle et pétille sur le toit, il abattit les chaînes et fait tomber le pont. Pendant un quart d'heure que dura cette entreprise presque insensée, la foule resta haletante. À chaque détonation s'attendait à voir rouler l'audacieux ouvrier. La foule oubliait le danger qu'elle courait elle-même, pour ne songer qu'au danger que courait cet homme. Quand le pont tomba, elle jeta un grand cri et s'élança dans la première cour. Le mouvement fut si rapide, si impétueux, si irrésistible, qu'on n'essaya pas de la défendre. Les cris d'une joie frénétique annoncèrent à Delaunay ce premier avantage. On ne fit pas même attention qu'un homme avait été broyé sous cette masse de bois. Alors, comme au fond d'une caverne qu'elles éclairent, les quatre pièces de canon que le gouverneur a montrées à Billot éclatent à la fois avec un bruit terrible et balaient toute cette première cour. L'ouragan de fer a tracé dans la foule un long sillon de sang. 10 ou 12 morts, 15 ou 20 blessés sont restés sur le passage de la mitraille. Billot s'est laissé glisser de son toit à terre, mais à terre il a trouvé Pitou, qui s'est trouvé là il ne sait comment. Pitou a l'œil alerte. C'est une habitude de braconnier. Il a vu les artilleurs approcher la mèche de la lumière. Il a pris Billot par le pan de sa veste et l'a tiré vivement en arrière. Un angle de muraille les a mis tous les deux à l'abri de cette première décharge. À partir de ce moment, la chose est sérieuse. Le tumulte devient effroyable, la mêlée mortelle. 10 000 coups de fusil éclatent à la fois autour de la Bastille, plus dangereux pour les assiégeants que pour les assiégés. Enfin, un canon, servi par les gardes françaises, vient mêler son grondement au pétillement de cette mousqueterie. C'est un bruit effroyable auquel la foule s'enivre, et ce bruit commence à effrayer les assiégés qui se comptent et qui comprennent que jamais ils ne pourront faire un bruit semblable à celui qui les assourdit. Les officiers de la Bastille sentent instinctivement que leurs soldats faiblissent. Ils prennent des fusils et font le coup de feu. En ce moment, au milieu de ce bruit d'artillerie et de fusillade, au milieu des hurlements de la foule, comme le peuple se précipite de nouveau pour ramasser les morts et se faire une nouvelle arme de ces cadavres, qui crient en vengeance par la bouche de leurs blessures, apparaît, à l'entrée de la première cour, une petite troupe de bourgeois calmes, sans armes. Ils font de la foule et s'avancent prêts à sacrifier leur vie, protégés seulement par le drapeau blanc qui les précède et qui indique des parlementaires. C'est une députation de l'hôtel de ville. Les électeurs savent que les hostilités sont engagées. Ils veulent arrêter l'effusion du sang et aux forces flesselles à faire de nouvelles propositions au gouverneur. Ces députés viennent, au nom de la ville, sommer M. Delaunay de faire cesser le feu et pour garantir à la fois la vie des citoyens, la sienne et celle de la garnison, de recevoir 100 hommes de garde bourgeoise dans l'intérieur de la forteresse. Voilà ce que répondent les députés sur leur route. Le peuple, effrayé lui-même de l'entreprise qu'il a commencée, le peuple, qui voit passer les blessés et les morts sous des civières, est prêt à appuyer cette proposition. Que Delaunay accepte une demi-défaite, il se contentera d'une demi-victoire. À leur vue, le feu de la seconde cour cesse. On leur fait signe qu'ils peuvent approcher, et ils approchent en effet, glissant dans le sang, enjambant les cadavres, tendant la main aux blessés. À leur abri, le peuple se groupe. Cadavres et blessés sont emportés, le sang reste seul, marbrant de larges taches pourprées le pavé des cours. Du côté de la forteresse, le feu a cessé. Billot sort pour essayer de faire cesser le feu des assiégeants. À la porte, il rencontre Gonchon. Gonchon sans armes, s'exposant comme un inspiré, calme comme s'il était invulnérable. « Eh bien » demande-t-il à Billot, qu'est devenue la députation. « Elle est entrée à la Bastille, » répond Billot. « Faites cesser le feu. »« C'est inutile, » dit Gonchon, avec la même certitude que si Dieu lui donnait la faculté de lire dans l'avenir. « Il ne consentira point. »« N'importe. » « Respectons les habitudes de la guerre, puisque nous nous sommes faits soldats. »« Soit, » dit Gonchon. Puis, s'adressant à deux hommes du peuple qui semblent commander sous lui à toute cette masse, « Allez, Élie, allez, Hulin, » dit-il, « et que pas un coup de fusil ne soit tiré. » Les deux aides de camp s'élancèrent, fendant les flots du peuple, à la voix de leur chef, et bientôt le bruit de la mousqueterie diminua peu à peu, puis s'éteignit tout à fait. Un instant de repos s'établit. On en profita pour soigner les blessés, dont le nombre s'élevait déjà à 35 ou 40. Pendant ce moment de repos, on entend sonner 2 heures. L'attaque a commencé à midi. Voilà déjà 2 heures que l'on se bat. Billot est retourné à son poste, et c'est à son tour Gonchon qui l'a suivi. Son œil se tourne avec inquiétude vers la grille. Son impatience est visible. « Qu'avez-vous ? » lui demande Bio. « J'ai que si la bassine n'est pas prise dans 2 heures, » répond Gonchon, « tout est perdu. » « Et pourquoi cela ?»« Parce que la cour apprendra à quelle besogne nous sommes occupés et qu'elle nous enverra les Suisses de Bézenval et les dragons de Lambesque et qu'alors nous serons pris entre 3 feux. » Bio fut forcé d'avouer qu'il y avait du vrai dans ce que Gonchon disait là. Enfin, les députés reparurent. À leur air morne, on jugea qu'ils n'avaient rien obtenu. « Eh bien, » dit Gonchon, rayonnant de joie, « qu'avais-je dit ? Les choses prédites arriveront, la forteresse maudite est condamnée !» Puis, sans même interroger la députation, il s'élança hors de la première cour en criant « Aux armes, enfants, aux armes ! Le commandant refuse !» En effet, à peine le commandant a-t-il lu la lettre de Flessel, que son visage s'est éclairé et qu'au lieu de céder aux propositions faites, il s'est écrié « Messieurs les Parisiens, vous avez voulu le combat, maintenant il est trop tard !» Les parlementaires ont insisté, lui ont représenté tous les malheurs que sa défense peut amener, mais il n'a voulu entendre à rien. Il a fini par dire aux parlementaires ce que 2 heures auparavant il avait déjà dit à Bio, « Sortez ou je vous fais fusiller !» Et les parlementaires sont sortis. Cette fois, c'est Delaunay qui a repris l'offensive. Il paraît ivre d'impatience. Avant que les députés aient franchi le seuil de la cour, la musette du duc de Saxe a joué un air. 3 personnes sont tombées, l'une morte, les 2 autres blessées. Ces 2 blessés sont, l'un un garde française, l'autre un parlementaire. À la vue de cet homme, que son caractère rendait sacré et que l'on emporte couvert de sang, la foule s'exalte de nouveau. Les 2 aides-de-camp de Gonchon sont revenus prendre place à ses côtés. Mais aucun d'eux a eu le temps d'aller chez lui changer de costume. Il est vrai que l'un demeure près de l'Arsenal, l'autre rue de Charonne. Hulin, d'abord horloger de Genève, puis chasseur du marquis de Conflans, revient avec son habit de livrée qui ressemble à un costume d'officier hongrois. Élie, ex-officier au régiment de la Reine, a été revêtir son uniforme qui donnera plus de confiance au peuple en lui faisant croire que l'armée est pour lui et avec lui. Le feu recommence avec plus d'acharnement que jamais. En ce moment, le major de la Bastille, M. Delhomme, s'approcha du gouverneur. C'était un brave et honnête soldat, mais il était resté du citoyen en lui et il voyait avec douleur ce qui se passait et surtout ce qui allait se passer. « Monsieur, lui dit-il, nous n'avons pas de vivres, vous le savez. »« Je le sais, répliqua Delaunay. Vous savez aussi que nous n'avons pas d'ordre. »« Je vous demande pardon, monsieur Delhomme. J'ai ordre de fermer la Bastille. Voilà pourquoi on m'en donne les clés. »« Monsieur, les clés servent aussi bien à ouvrir les portes qu'à les fermer. » Prenez garde de faire massacrer toute la garnison sans sauver le château. 2 triomphes pour le même jour. Regardez ces hommes que nous tuons. Ils repoussent sur le pavé. Ce matin, ils étaient 500. Il y a 3 heures, ils étaient 10 000. Ils sont plus de 60 000 à présent. Demain, ils seront 100 000. Quand nos canons se tairont, il faudra bien qu'ils finissent par là. Ils seront assez forts pour démolir la Bastille avec leurs mains. Vous ne parlez pas comme un militaire, monsieur Delhomme. Je parle comme un Français, monsieur. Je dis que Sa Majesté ne nous ayant donné aucun ordre. Je dis que M. le prévôt des marchands nous ayant fait une proposition fort acceptable, qui était celle d'introduire 100 hommes de garde bourgeoise dans le château. Vous pouvez, pour éviter les malheurs que je prévois, accéder à la proposition de M. de Flessel. À votre avis, M. Delhomme, le pouvoir représentant la ville de Paris est donc une autorité à laquelle nous devons obéir? En l'absence de l'autorité directe de Sa Majesté, oui, monsieur, c'est mon avis. « Eh bien, » dit Delaunay en attirant le major dans un angle de la cour, « lisez, monsieur Delhomme. » Et lui présenta un petit carré de papier. Le major lut. « Tenez bon, j'amuse les Parisiens avec des cocardes et des promesses. Avant la fin de la journée, monsieur Bézenval vous enverra du renfort. » De Flessel. « Comment ce billet vous est-il donc parvenu, monsieur ?» demanda le major. « Dans la lettre que m'ont apporté messieurs les parlementaires. » Il croyait me remettre l'invitation de rendre la Bastille, il me remettait l'ordre de la défendre. Le major baissa la tête. « Allez à votre poste, monsieur, » dit Delaunay, « et ne le quittez pas, que je ne vous fasse appeler. » Monsieur Delhomme obéit. Monsieur Delaunay plia froidement la lettre, la remit dans sa poche, et revint à ses canonniers en leur commandant de pointer bas et juste. Les canonniers obéirent, comme avait obéi monsieur Delhomme. Mais le destin de la forteresse était fixé. Nulle puissance humaine n'en pouvait reculer l'accomplissement. À chaque coup de canon, le peuple répondait « Nous voulons la Bastille !» et tandis que les voix demandaient, les bras gissaient. Au nombre des voix qui demandaient le plus énergiquement « Au nombre des bras qui agissaient le plus efficacement étaient les voix et les bras de Pitou et de Billot. Seulement chacun procédait selon sa nature. Billot, courageux et confiant, à la manière du bulldog, s'était jeté du premier coup en avant, bravant balles et mitrailles. Pitou, prudent et circonspect comme le renard, Pitou, doué au suprême degré de l'instinct et de la conservation, utilisait toutes ses facultés pour surveiller le danger et l'éviter. Ses yeux connaissaient les plus meurtrières embrasures. Il distinguait l'imperceptible mouvement du bronze qui va tirer. Il avait fini par deviner le moment précis où la batterie du fusil de rempart allait jouer au travers du pont-levis. Alors, ses yeux ayant fait leur office, c'était au tour de ses membres à travailler pour leur propriétaire. Les épaules s'effaçaient, la poitrine rentrait, tout son corps n'offrait pas une surface plus considérable qu'une planche vue de côté. Dans ces moments-là, de Pitou, du grassouillet Pitou, car Pitou n'était maigre que des jambes, il ne restait plus qu'une arête pareille à la ligne géométrique, ni largeur ni épaisseur. Il avait adopté un recoin dans le passage du premier pont-levis au second, une sorte de parapet vertical formé par des saillies de pierre. Sa tête se trouvait garantie par une de ces pierres, son ventre par une autre, ses genoux par une troisième, et Pitou s'applaudissait que la nature et l'art des fortifications se fussent si agréablement combinés qu'une pierre lui fut donnée pour garantir chacun des endroits où une blessure pouvait être mortelle. De son angle, où il était rasé comme un lièvre dans son gîte, il tirait ça et là un coup de fusil par acquis de conscience, car il n'avait en face de lui que des murs et des morceaux de bois. Mais cela faisait évidemment plaisir au père Billot, qui lui criait « Tire donc, paresseux, tire !» Et lui, à son tour, interpellant le père Billot pour calmer son ardeur, au lieu de l'exciter, lui criait « Mais ne vous découvrez pas ainsi, père Billot !» Ou bien « Prenez garde à vous, monsieur Billot, rentrez, voilà le canon qui tire !» À vous, voilà le chien de la musette qui claque. » Et à peine Pitou avait-il prononcé ces paroles pleines de prévoyance que la canonnade ou la fusillade éclatait et que la mitraille balayait le passage. Malgré toutes ces injonctions, Billot faisait des prodiges de force et de mouvement, le tout en pure perte. Ne pouvant dépenser son sang, et certes ce n'était pas sa faute, il dépensait sa sueur en larges gouttes. 10 fois Pitou le saisit par la basque de son habit, et le coucha malgré lui à terre, juste au moment où une décharge l'eût écrasé. Mais Billot se relevait toujours, non seulement commenté, plus fort qu'auparavant, mais avec une nouvelle idée. Tantôt, cette idée consistait à aller, sur le bois même du tablier du pont, hacher les soliveaux qui retenaient les chaînes, comme il avait déjà fait. Alors Pitou poussait des hurlements pour retenir le fermier, puis voyant que ces hurlements étaient inutiles, il s'élançait hors de son abri en disant « Monsieur Billot, cher monsieur Billot, mais madame Billot sera veuve si vous êtes tué !» Et l'on voyait les Suisses passer obliquement le canon de leur fusil par la meurtrière de la musette pour atteindre l'audacieux qui essayait de mettre leur pont en copeaux. Tantôt Billot appelait du canon pour enfoncer le tablier. Mais alors la musette jouait, les artilleurs reculaient, et Billot restait seul pour servir la pièce, ce qui tirait encore Pitou de sa retraite. « Monsieur Billot » criait-il, « Monsieur Billot, au nom de mademoiselle Catherine! Mais songez donc que si vous vous faites tuer, mademoiselle Catherine va être orpheline !» Et Billot se rendait à cette raison qui semblait plus puissante sur son esprit que la première. Enfin, l'imagination féconde du fermier enfanta une dernière idée. Il courut vers la place en criant « Une charrette! Une charrette !» Pitou réfléchit que ce qui était bon devenait excellent en se doublant. Il suivit Billot en criant « Deux charrettes! Deux charrettes !» On amena immédiatement 10 charrettes. « De la paille et du foin sec !» cria Billot. « De la paille et du foin sec !» répéta Billot. Et sur le champ, 200 hommes apportèrent chacun sa botte de foin ou de paille. D'autres entassèrent du fumier desséché sur des civières. On fut obligé de crier qu'on en avait 10 fois plus qu'il n'en fallait. En une heure, on eut un amas de fourrage qui eût égalé la Bastille en hauteur. Billot se mit dans les brancards d'une charrette chargée de paille et au lieu de la traîner, la poussa en avant. Pitou en fit autant sans savoir ce qu'il faisait, mais pensant qu'il était bien d'imiter le fermier. Élie et Hulin devinèrent ce que préparait Billot. Ils saisirent chacun une charrette et la poussèrent dans la cour. Peine eurent-ils dépassé le seuil qu'une mitraillade les accueillit. On entendit alors les balles et les biscayens se loger avec un bruit strident dans la paille ou dans les bois des ridelles et des roues. Mais aucun des assaillants ne fut touché. Aussitôt cette décharge passée, Deux ou 300 fusiliers s'élancèrent derrière les meneurs de charrettes et se faisant un abri de son rempart, ils vinrent se loger sous le tablier même. Là, Billot tira de sa poche un briquet et de l'amadou, prépara une pincée de poudre au milieu d'un papier et mit le feu à la poudre. La poudre alluma le papier alluma la paille. Chacun se partagea un brandon et les quatre charrettes s'enflammèrent à la fois. Pour éteindre le feu, il fallait sortir. En sortant, on s'exposait à une mort certaine. La flamme gagna le tablier, mordit le bois de ses dents acérées et courut en serpentant le long des charpentes. Un cri de joie parti de la cour fut répété par toute la place Saint-Antoine. On voyait monter la fumée au-dessus des tours. On se doutait que quelque chose de fatal aux assiégés s'accomplissait. En effet, les chaînes rougies se détachèrent des madriers. Le pont tomba, à moitié brisé, à moitié brûlé, fumant et pétillant. Les pompiers accoururent avec leurs pompes. Le gouverneur commanda de faire feu, mais les invalides refusèrent. Les Suisses seuls obéirent. Mais les Suisses n'étaient pas artilleurs. Il fallut abandonner les pièces. Les gardes françaises, au contraire, voyant le feu de l'artillerie éteint, mirent leurs pièces en batterie. Leur troisième boulet brisa la grille. Le gouverneur était monté sur la plateforme du château pour voir si les secours promis arrivaient, quand il se vit tout à coup enveloppé de fumée. Ce fut alors qu'il descendit précipitamment et ordonna aux artilleurs de faire feu. Le refus des invalides l'exaspéra. La grille en se brisant lui fit comprendre que tout était perdu. M. Delaunay se sentait haï. Il devina qu'il n'y avait plus de salut pour lui. Pendant tout le temps qu'avait duré le combat, il avait nourri cette pensée de s'ensevelir sous les ruines de la Bastille. Au moment où il sent que toute défense est inutile, il arrache une mèche des mains d'un artilleur et bondit vers la cave où sont les munitions. « Les poudres !» s'écria un bois épouvanté. « Les poudres ! Les poudres !» On a vu la mèche briller aux mains du gouverneur. On devine son intention. Deux soldats s'élancent et croisent la baïonnette sur sa poitrine au moment où il ouvre la porte. « Vous pouvez me tuer, » dit Delaunay, « mais vous ne me tuerez pas si vite que je n'ai le temps de jeter cette mèche au milieu des tonneaux. Et alors, assiégés et assiégeants, vous sauterez tous. » Les deux soldats s'arrêtent. Les baïonnettes restent croisées sur la poitrine de Delaunay, mais c'est toujours Delaunay qui commande, car on sent qu'il a la vie de tout le monde entre ses mains. Son action a cloué tout le monde à sa place. Les assaillants s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils plongent leur regard dans l'intérieur de la cour et voient le gouverneur menacé et menaçant. « Écoutez-moi, » dit Delaunay, « aussi vrai que je tiens à la main votre mort à tous, si un seul de vous fait un pas pour pénétrer dans cette cour, je mets le feu aux poudres. » Ceux qui entendirent ces paroles crurent sentir le sol trembler sous leurs pieds. « Que voulez-vous ? Que demandez-vous ? » crièrent plusieurs voix avec l'accent de la terreur. « Je veux une capitulation honorable !» Les assaillants ne tiennent pas compte des paroles de Delaunay. Ils ne croient pas à cet acte de désespoir. Ils veulent entrer. Billot est à leur tête. Tout à coup, Billot tremble, pâlit. Il a pensé au docteur Gilbert. Tandis que Billot n'a pensé qu'à lui, peu lui importait que la Bastille sautât et qu'il saute avec elle. Mais le docteur Gilbert, à tout prix, il faut qu'il vive. « Arrêtez !» s'écria Billot en se jetant devant des lits et de Hulin. « Arrêtez au nom des prisonniers !» Et ces hommes, qui ne craignaient pas la mort pour eux, reculèrent blêmes et tremblants à leur tour. « Que voulez-vous » demande-t-il, renouvelant au gouverneur la question qui lui a déjà été faite par la garnison. « Je veux que tout le monde se retire, » dit Delaunay. « Je n'accepterai aucune proposition tant qu'il y aura un étranger dans les cours de la Bastille. » « Mais, » dit Billot, « ne profiterez-vous pas de notre absence pour remettre tout en état ?» « Si la capitulation est refusée, vous retrouvez toutes choses comme elles sont. Vous à cette porte, moi à celle-ci. Vous nous donnez votre parole ?»« Foi de gentilhomme !» Quelques-uns secouèrent la tête. « Foi de gentilhomme !» répète Delaunay. « Y a-t-il quelqu'un ici qui doute quand un gentilhomme a juré sur sa parole ?»« Non, non, personne !» répétèrent 500 voix. « Que l'on m'apporte ici un papier, une plume et de l'encre !» Les ordres du gouverneur furent exécutés à l'instant. « C'est bien !» dit Delaunay, puis se retournant vers les assaillants. « Et maintenant, vous autres, retirez-vous. » Billot, Hulin et Élie donnèrent l'exemple et se retirèrent les premiers. Tous les autres les suivirent. Delaunay mit la mèche de côté et commença d'écrire la capitulation sur son genou. Les invalides et les Suisses, qui comprenaient que c'était de leur salut qu'il s'agissait, le regardaient faire en silence et dans une sorte de respectueuse terreur. Delaunay se retourna avant de poser la plume sur le papier. les cours étaient libres. En un instant, on sut au dehors tout ce qui venait de se passer au-dedans. Comme l'avait dit M. Delhomme, la population sortait de dessous les pavés. 100 000 hommes entouraient la Bastille. Ce n'étaient plus seulement des ouvriers, c'étaient des citoyens de toutes les classes. Ce n'étaient plus seulement des hommes, c'étaient des enfants, c'étaient des vieillards. Et tous avaient une arme, tous poussaient un cri. De place en place, au milieu des groupes, on voyait une femme éplorée, échevelée, les bras tordus, maudissant le géant de pierre avec un geste désespéré. C'était quelque mère dont la Bastille venait de foudroyer le fils, quelque femme dont la Bastille venait de foudroyer le mari. Mais depuis un instant, la Bastille n'avait plus de bruit, plus de flammes, plus de fumée. La Bastille était éteinte, la Bastille était muette comme un tombeau. On eût voulu compter inutilement toutes les taches de balles qui marbraient sa surface. Chacun avait voulu envoyer son coup de fusil à ce monstre de granit, symbole visible de la tyrannie. Aussi, lorsque l'on sut que la terrible Bastille allait capituler, que son gouverneur avait promis de la rendre, personne ne voulait y croire. Au milieu du doute général, comme on n'osait point encore se féliciter, comme on attendait en silence, on vit, par une meurtrière, passer une lettre piquée à la pointe d'une épée. Seulement, entre le billet et les assiégeants, il y avait le fossé de la Bastille, large, profond, plein d'eau. Biot demande une planche. Trois sont essayées et apportées sans pouvoir atteindre le but qu'il se propose, trop courtes qu'elles sont. Une quatrième touche les deux lèvres du fossé. Biot l'assujettit de son mieux et se hasarde, sans hésiter, sur le pont tremblant. Toute la foule reste muette. Tous les yeux sont fixés sur cet homme qui semble suspendu au-dessus du fossé dont l'eau stagnante semble celle du Cocyte. Pitou, tremblant, s'assied au revers du talus et cache sa tête entre ses deux genoux. Le cœur lui manque, il pleure. Tout à coup, au moment où Biot a atteint les deux tiers du trajet, la planche vacille, Biot étend les bras, tombe et disparaît dans le fossé. Pitou pousse un rugissement et se précipite après lui comme un Terre-Neuve après son maître. Un homme alors s'approche de la planche du haut de laquelle vient d'être précipité Biot. Puis, sans hésitation, il prend le même chemin. Cet homme, c'est Stanislas Maillard, l'huissier du Châtelet. Arrivé à l'endroit où Pitou et Biot se débattent dans la vase, il regarde un instant au-dessous de lui, et voyant qu'ils atteindront le bord sain et sauf, il continue son chemin. Une demi-minute après, il est de l'autre côté du fossé et tient le billet qu'on lui présente au bout de l'épée. Alors, avec la même tranquillité, la même fermeté d'allure, il repasse sur la même planche où il a déjà passé. Mais au moment où tout le monde se presse autour de lui pour lire, une grêle de balles pleut des créneaux et en même temps qu'une effroyable détonation se fait entendre. Un seul cri, mais un de ces cris qui annoncent la vengeance d'un peuple, est sorti de toutes les poitrines. « Fiez-vous au tyran !» crie Gonchon. Et sans plus s'occuper de la capitulation, sans plus s'occuper des poudres, sans songer à soi, sans songer aux prisonniers, sans rêver, sans désirer, sans demander autre chose que la vengeance, le peuple se précipite dans les cours, non plus par centaines d'hommes, mais par milliers. Ce qui empêche la foule d'entrer, ce n'est plus la mousqueterie, c'est que les portes sont trop étroites. À cette détonation, les deux soldats qui n'ont pas quitté M. Delaunay se jettent sur lui. Un troisième s'empare de la mèche et l'écrase sous son pied. Delaunay tire l'épée cachée dans sa canne et veut s'en frapper. On brise l'épée entre ses mains. Il comprend alors qu'il n'a plus rien à faire qu'à attendre. Il attend. Le peuple se précipite, la garnison lui tend les bras et la Bastille est prise d'assaut, de vive force, sans capitulation. C'est que depuis 100 ans, ce n'est plus seulement la matière inerte qu'on enferme dans la forteresse royale, c'est la pensée. La pensée a fait éclater la Bastille et le peuple est entré par la brèche. Quant à cette décharge, faite au milieu du silence, pendant la suspension d'armes, quant à cette agression imprévue, impolitique, mortelle, nul ne sut jamais qui en avait donné l'ordre, qui l'avait excité, qui l'avait accompli. Il y a des moments où l'avenir de toute une nation se pèse dans la balance du destin. Un des plateaux l'emporte. Déjà chacun croit avoir atteint le but proposé. Tout à coup, une main invisible laisse tomber dans l'autre plateau ou la lame d'un poignard ou la balle d'un pistolet. Alors, tout change et l'on n'entend plus qu'un seul cri « Malheur aux vaincus !»